Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien, le bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 120 au compteur, comme tous les jeudis soirs, donc de 20h à 22h, avec une équipe, cette fois-ci au complet, puisque notre canon est revenu. Yes, hein. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir l'Europe et les ours polaires de la banquise en ce moment. Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais calme ta joie, Canon. Alors, Canon, tu vas nous parler d'un truc ce soir? Ouais, de toi. Ouais, super. Bon. J'avais envie de parler de toi pendant des heures. Ah, bah, c'est génial, pourquoi pas. Nous, on est aussi également avec notre présence féminine qu'on adore. Notre douceur à nous, Marine. Bonsoir, ça va? Ah, bah ça va, et dis donc, et Marine, alors quand elle commence à faire une émission, elle met son bonnet, bien évidemment. Ouais, c'est au cas où il y a la télé qui arrive. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Donc, tu as préparé un petit sujet. Ouais, ce soir, ce sera sortie album et un festival urbain qui va se passer pendant 3 jours. Bien. Bonsoir, Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Monsieur Sinoche. Oui. Donc, ce soir? Oui, chronique rétro-ciné, donc. Aux alentours de 21h, où je reviendrai sur un film de 2015. Oh, récent. Oui. Et ensuite, les sorties ciné, donc, qui ont eu lieu hier en Belgique et en France. Bien. Alors, et on recevra aussi, durant donc, l'émission, d'ici quelques minutes, les organisateurs donc, du concours de chant dont je vous ai parlé il y a quelques jours, et qui aura lieu donc, au Barry White, donc à Paris. Un concours de chant qui va vous permettre de concourir pour gagner donc, un CD 6 titres. Alors, pourquoi pas? Donc, on en parlera. Et on aura les organisateurs avec nous qui nous en parleront. Et on aura aussi également, alors, Canon, tu dois connaître Marjorie, la belle Marjorie, qui va venir nous rejoindre pour nous parler donc, d'un événement plutôt sportif et également donc j'ai oublié le nom, mais avec les gazelles, voilà le d'accord, oui, un concert, le rallye des gazelles, le rallye des gazelles, voilà, merci Sherlock, je t'en prie. Voilà, et ce sera juste après ça. Allez, c'est parti. Comme un vol candidat,

Avec Marine, tu devais nous parler de... Dis-moi. D'un festival urbain. Ah oui, c'est vrai. Ouais, qui va se passer sur Roubaix donc pendant 3 jours, donc de demain, du 25 à dimanche, le 27. Donc c'est un festival pop-folk. Ça va relier musique et patrimoine. Donc ce sera rendez-vous dans des lieux atypiques comme l'église Saint-Jean-Baptiste, la cave aux poètes, le temple protestant ou encore l'office de tourisme. Ah ouais. Donc, donc ils seront pop-folk et il y aura du jazz aussi. Et donc c'est l'occasion de découvrir des chanteurs. C'est pas mal, c'est dans des endroits incongrus. Moi, je trouve que c'est sympa. Bien, ouais, c'est sympa. Ouais. Et donc, une chanteuse, je sais pas si vous connaissez Sarah McCoy. Non, du tout. Ah, tu nous feras écouter et Sarah McCoy. Okay. Donc voilà. Ah, bah, c'est une belle découverte. Alors, on allie le patrimoine et la musique. C'est ça. Et les prix, c'est vraiment à partir de 3 euros pour un concert, jusque 21 euros grand maximum dans les églises. Et les gens peuvent trouver ça où? Donc, au niveau des liens, parce qu'il doit avoir des adresses, des dates, des heures. Je vais regarder tout de suite et je vais mettre tout. Tu le donnes tout à l'heure. Ouais. C'est bien. Avant de se faire une coupure musicale, moi j'ouvre un petit carnet noir, mais c'est parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Et en fait, ça fait 10 ans, demain, que Gérard Blanc nous a quittés. Voilà. Ah oui. Alors comme j'avais eu l'occasion, on avait eu l'occasion de l'avoir en interview, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et je me suis dit, tiens, dis donc deux pincements au cœur, parce que ces chansons résonnent encore un peu, évidemment, une autre histoire entre autres. Et puis il a fait partie aussi du groupe des Martin Circus. Exact. Et puis demain on fêtera ses 10 ans, 10 ans de disparition. De Gérard Blanc. Alors si dans ta petite programmation t'as un petit Gérard Blanc, ça me ferait plaisir. Ouais, la prochaine que je passe, ce sera un Gérard Blanc. Ah bien, et ça fera aussi plaisir à sa femme Brigitte, qui est une vraie douceur, Brigitte Schiavi Blanc, et qui continue aussi à suivre la carrière de son mari, puisqu'effectivement, il y a encore des titres qui tournent, bien évidemment, et il faut gérer tout ça. Oui. Donc voilà. Ok, on repart donc avec un Gérard Blanc. C'est pas une autre histoire. C'est le second titre qu'il avait sorti, c'est Du Soleil dans la Nuit. Ah, j'adore, c'est celui que je préfère, moi. Voilà, mais moi aussi. Enfin, même si j'adore Une autre histoire, mais je trouve que Du Soleil dans la Nuit est très très bien. C'est ça, on va s'en donner, Du Soleil dans la Nuit. Il la chante bien. Et on reviendra. Oh, désolé, Gérard. On reviendra avec Frankie Smith et Double Dutch Bus. Ouais. Bill's Harbor, Bill's Harry, Bill's Eddie, Bill's Sam, Bill's Zombie, Bill's Aaron, Bill's Zombie, that's my man. Come on, get on my double Dutch bus. Et c'est toujours aussi bon. Alors on va recevoir donc d'ici quelques instants donc Isabelle, Isabelle et Seb qui vont venir nous rejoindre. Ce sont les organisateurs. Bonsoir, Canon. Donc Isabelle n'a pas les yeux bleus, mais on va recevoir donc Isabelle qui va nous présenter donc le concours de chant qui aura lieu au Barry White. Et je peux vous dire qu'il va y avoir du lourd avec donc deux auditions et également donc la finale. Mais ça, je vous en parlera dans le détail. Pour vous, amis chanteurs, que vous aimez chanter, je pense à Marina par exemple qui nous écoute, qui aime chanter, pourquoi pas. Je sais qu'il y a une des chanteuses qui est venue chez nous, Alison, qui va se présenter donc au concours. Mais ça, donc on vous en parlera d'ici quelques... Alison Picard. Absolument. Oui, ouais, absolument. Donc ça se passe au Barry. Alors tu sais où c'est Barry, Marine? Non. Eh bien c'est après Tournai, c'est pas très loin. Donc ça doit être à une dizaine de kilomètres de Tournai. Donc c'est le Barry White et c'est un très très bel endroit. Vraiment, j'ai eu l'occasion de le visiter avec une sonorité, je peux vous dire les gars, ça on voit vraiment du lourd. Et j'aurai l'occasion de présenter le concours de chant avec un jury professionnel, bien évidemment. Et donc je vous donnerai les dates d'ici quelques instants et je vous en reparlerai. Je vais faire plaisir à Véro qui nous écoute aussi, Véro de Boucron Indala, pour lui annoncer donc un concert qu'elle va apprécier, je pense, puisque ce sera le 24 mars, ça se passera à Waterloo au CSE à 15h, dans lequel vous aurez Christian de la Grange. Ah oui. Et oui, Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye qui sera là aussi également. Il y aura Jean-Mich. Ah bah tiens, dis donc, notre ami Jean-Mich qui viendra aussi faire une apparition. Il y aura Christian des Polaris aussi également. Oui. Donc groupe qui avait super bien fonctionné dans les années 70. Donc ça se passera le 24 mars au CSE et nul doute que nous ferons une interview de notre ami Jean-Luc Lahaye. Ah oui, j'adorerais. Et ben d'ailleurs, tu pourras peut-être nous passer un petit Jean-Luc Lahaye dès que t'as le temps. Pourquoi pas? Ouais, bah écoute. Super Sherlock. Attends, on va essayer de le faire en direct. Est-ce que j'ai du Jean-Luc Lahaye? Oui, j'ai du Jean-Luc Lahaye. Ah bah voilà, avec prendre un enfant par la main. Non, j'ai pas ça. Allez, au choix, femme que j'aime ou papa chanteur? Femme que j'aime, il y en a déjà eu aujourd'hui, je pense. Femme que j'aime, j'aime bien. Papa chanteur, c'est un peu chiant. Ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Jean-Luc Lahaye, alors. Pour toutes les femmes. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. Comme un soleil qui brille dans mes nuits, et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi, et ils te diront comment du néant la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et c'est toujours aussi bon avec toute la bonne compagnie. Je vois Canon là qui est. Quand je dis toujours aussi bon, c'est parce que je te regarde que t'es concerné. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te fixais droit dans les yeux. Ouais, j'adore ça. Canon, et puis bien sûr Marine avec nous. Et puis Sherlock. Oui, bien sûr. Oh, t'as de l'enthousiasme. Bah, comme d'hab. Ça y est, t'as fait l'amour. Même pas. Moi, je vais y aller, par contre. Ça serait. Alors, je vous en avais parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, oui. D'ailleurs, puisqu'il y a un concours de chant qui va avoir lieu à Barry. Donc, c'est la ville. C'est marrant. Et le lieu est d'autant plus sympathique. Il s'appelle le Barry White. Voilà, donc le Barry White qui va organiser donc un concours de chant avec un jury professionnel. Je ne vais pas en parler beaucoup plus puisqu'on a avec nous l'instigatrice du concours et notamment donc la patronne du Barry White qui est avec nous et on a le plaisir de recevoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Alors, parle bien proche du micro. Ouais, un petit peu plus près. Un petit peu plus près comme voilà, ça. Et encore un peu de plus. Là, je vais aller. Alors Isabelle, parle-nous de cet événement qui va avoir lieu donc qui commence déjà dimanche. Dimanche à partir de 16h, on commence les premières auditions. Voilà. Voilà. Voilà, donc en fait, il va se passer deux choses. Il va y avoir deux auditions. Donc il y en a une qui commence dimanche. Dimanche, donc, 27 janvier à 16h. Voilà, il y en a une deuxième. Le 10 mars. Voilà, à dimanche, 16h. 16h. Ensuite, il va y avoir donc concours. La grande finale. Oui. Qui, elle, aura lieu le 20 avril à partir de 20h. Et là, croyez-moi, il va y avoir du show. Ah oui, et ça va être chaud parce que il y en a de plus en plus qui s'inscrivent. Alors on en parlait justement hors antenne. Il y a Alison qui nous écoute régulièrement et Alison Picard qui s'est inscrite. Donc on va l'encourager. Il y a Marina aussi peut-être qui est intéressée pour s'inscrire. Ah, elle fait du chant aussi, mademoiselle. Ah oui. Alors on va aller. Marina. Elle chante bien mieux que moi. Marine fait du pole dance. C'est complètement différent. C'est la même chose. Voilà. Et on a aussi, on peut le dire aussi. Canon pousse aussi très très bien la chansonnette. Oui. Alors je ne sais pas. Ah, tu peux pas, pourquoi? Parce que. Bon, voilà. Il a ses raisons. Il a aquaponé ce jour-là. Il y a Sherlock aussi également, qui est chanteur. Et qui chante plutôt bien. Il vient jamais au concours, Charles. C'est vrai. C'est vrai, il a peur. Il a peur. Mais il faut mettre une couche à prochaine fois que tu fais un concours. Alors ça se passe au Barry White. Alors le Barry White, c'est un lieu qui existe depuis 5 ans, c'est ça? Maintenant 6 ans, oui. 6 ans, 6 ans. Alors franchement, moi j'ai eu l'occasion de visiter. Tu parles d'audition tout à l'heure, mais on parle bien de chant. Oui, il y a un concours de chant et d'interprétation. J'ai dit concours de chant. Pour les auditeurs, on parle que d'audition tout à l'heure. Ah non, j'ai parlé de concours de chant. Le Barry, on se doute bien que le Barry White, ça sonne un peu en chant, mais c'est un. Ah si, j'ai dit concours de chant, mon ami. Je l'ai dit juste en préambule. J'ai dit concours de chant. Hein, Isabelle? Tout à fait, j'ai bien entendu. Voilà, donc j'ai bien dit concours de chant. Il va y avoir un jury de professionnels. Alors, il n'est pas encore tout à fait formé. Ah si, il est formé, mon jury. Ah, alors est-ce qu'on peut parler du jury ou pas? J'aimerais bien que ça reste un petit peu dans le secret pour le moment. Voilà, on peut dire que ce sont des professionnels. Oui. Professionnels de chant. Oui. Qui a des champions aussi également. Ah, tout à fait. Voilà, donc on ne citera pas son nom non plus. Non plus. Mais vous le connaissez, évidemment. On a même eu, le petit indice, on l'a reçu dans les studios. Ah. Ouais, si tu vois qui je veux dire. Ouais, je pense. Ouais. Voilà. Sincèrement, le Barry White, en plus, vous avez une technique du tonnerre. Vous avez de quoi vous éclater. Ce que j'ai envie de dire, c'est attention, ce n'est pas un concours de karaoké, c'est vraiment un concours de chant. On est d'accord, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, il faut connaître son texte par cœur. C'est chant et interprétation. Et justement, on va parler de tout ça parce qu'il y a des critères très importants pour pouvoir remporter le concours, puisqu'il y a un cadeau à la clé, dont on ne dira pas pour l'instant, on en parlera juste après la coupure musicale. Et on va demander à Isabelle de faire une roulette song. Ah bon, bah ok. Alors, j'étais parti sur autre chose, mais. Non, tu dois pas quitter ta chaise. Alors, on va t'expliquer, Isabelle, t'inquiète. Ok, alors. Donc la roulette song, le principe est simple, c'est que je vais faire défiler des titres qui sont juste là devant moi. Mon Dieu, non, c'est Sherlock. Tu me dis stop, elle a dit mon Dieu, dès que tu le veux. Et le premier titre sur lequel je tombe, ce sera le titre qui va passer à l'antenne. D'accord. Alors, c'est parti, je fais défiler, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, c'est quoi Zazie avec Je tue il. Ah, tu peux peut-être le chanter, ça. Non, je connais pas. Ah, tu connais pas. Marine, allez à toi. Non, je connais pas non plus, non. Non. Et la roulette song. Alors, vas-y, tu connais rien, toi. Quand tu veux, ça tourne. Et Michael Jackson avec Blood on the Dance Floor. Oh, ah, je peux changer. Non. Michael Jackson. Ah bah c'est trop tard, mais moi j'adore. Allez, on se retrouve juste après ça. Michael Jackson, c'est parti. J'ai de mauvais rêves et tu fais de mauvais rêves pendant qu'ils dorment bien tranquilles. Je tue, il. J'ai peur dans le noir et toi tu pleures au fond des bars. Attention, tout ça c'est fragile. Je tue, il. J'envoie des ballons, des coups de pied. Mon petit frère joue à la poupée. Maman est en haut, papa est en bas, qui l'aime pas. Je tue, il. Et comprendre, c'est pas facile. Bah, je tue, il. C'est des enfants perdus, des parents qui s'aiment plus. Papa voyage, maman le suit à la nage avec des larmes qui défilent. Je souris, maman peut pas me fait comme si. Et puis le doute se faufile. Je tue, il. Bien sûr, on aura autre maman, toujours plus jeune que celle d'avant. Et tes frères à demi qu'on aimera, c'est promis. Je tue, il. Et comprendre, c'est pas facile. Je tue, il. C'est des enfants perdus, des parents qui s'aiment plus. Je tue, il. Et grandir, c'est pas facile. Je tue, il. C'est des enfants sauvages qui feront pareil à notre âge. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et c'était Blood on the Dance Floor de Michael Jackson. Ouais, qui est bien néerlandais. Traduction, bravo. Allez, traduction. Cours, en fait. Hein? Traduction. Blood, c'est ça? Ouais, du sang sur les dance floor. Sport, c'est du sang sur la piste de danse. Voilà. Et t'imagines, et n'empêche en français, il faudrait qu'on traduise, bah, comme le fait très bien Canon parfois, traduire des chansons un peu débiles comme ça, parce que sang sur la piste de danse, sang sur la piste de danse. Des chansons débiles. Non, non, mais toutes tes chansons sont profondes. Débile. Voilà. Oui. Mais pas débile. Non mais voilà. Allez, on est toujours. Alors, on va reparler du Barry White. Oui. Il faisait ça très bien en parlant de choses sérieuses. Donc, nous sommes toujours avec Isabelle. Moi, j'entendais tout à l'heure la distribution, donc les jurys, tout ça, mais les critères. Alors, les critères de sélection pour les chanteurs. Vous attendez quoi? C'est des débutants, des chanteurs professionnels? Alors, des gens... c'est des gens qui ont quand même déjà une certaine expérience. Ouais. Hein. C'est-à-dire que bon, chanter juste, bien évidemment. Mm-hmm. Hein. C'est pas un concours karaoké, c'est bien un concours de chant, donc pas d'écran. D'accord. Ils on doivent connaître. Bien deux titres par cœur. Okay. Francophone, anglophone, ah, c'est deux titres. Importe. Deux titres. D'accord, donc ils peuvent. On est, oui. Ah bah tu peux faire Dinda Dada alors. Aucun problème. Tu vais faire Dinda Dada. Et t'es qui là ? Par contre, on insiste fortement sur l'interprétation. Oui. Je ne veux pas quelqu'un de figé sur la scène. On veut quelqu'un qui interprète vraiment les chansons, qui partage vraiment avec son public. D'accord. Les critères justement, donc, de, ça sera la justesse, la chorégraphie, non ? Ils peuvent danser ou ils, ah, ils peuvent danser, ils peuvent faire le show, voilà. Voilà. Tout dépend un petit peu de ce qu'ils interprètent. Si on est dans une chanson à émotion, oui, bah voilà, on va. Ne me quitte pas. Ça dépend si tu l'as fait façon salsa, oui, ça peut passer. Ça peut se faire. Ouais. Et puis bien évidemment, pour l'interprétation, ça c'est hyper important. Moi, c'est mon cheval de bataille en tout cas au Barry White. D'accord. Alors moi, je compte m'inscrire. Quand même en tant que chanteur. Au moins, tu auras une chorégraphie. Parce que je voudrais chanter Tequila. Ça peut le faire. Tequila. C'est pas compliqué en même temps. Tequila. Mais je vais te le jouer et tout, je suis sûr que je vais aller en finale. Le mieux, c'est sa choré. Le mieux, c'est sa choré. Ouais, c'est vrai. Et donc là, les inscriptions. Alors, les inscriptions. Pour le 27, ici, j'ai eu deux petits désistements malades. D'accord. Ça arrive, c'est la saison, on va dire. Oui. Donc, s'il y a des personnes qui connaissent au moins deux chansons par cœur et qui veulent s'y risquer dimanche, voilà. Le numéro de GSM, 0479. 776-424, n'hésitez pas. On va le noter, on le repassera à l'antenne. Ah, mais je peux même te le redire, je le connais par cœur, hein, 0479-776-424. D'accord, par cœur en lisant. D'accord. Alors, il y a une inscription de 10 euros pour le chanteur. Oui. Et pour les personnes qui veulent accompagner pour écouter un petit peu, donc là, c'est 5 euros. D'accord. Pour les auditions, pour la finale, pour les accompagnants, ça sera 10 euros. Ok. Alors, je rappelle aussi que c'est un endroit dans lequel vous êtes. Alors, ça fait style cabaret, vraiment, où on est bien assis, non, mais c'est important. Hein, c'est pas un bel établissement, les photos. C'est un très très bel établissement et vous pouvez vous restaurer. Il y a de la petite restauration, il y a des boissons, bien évidemment, à prix démocratique. Non, non, mais parfois, tu vois, tu vas dans une salle, t'as un concours, et ben voilà, tu t'assois, puis ah oui, tu profites pas vraiment de l'événement. Là, c'est réellement un show, même les auditions sera sous forme de show. J'ai vu un peu les répétitions, donc il y aura les deux auditions. Et la finale, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Alors, il y a quand même, je pense, quelque chose d'important. C'est quand même une heure de scène pour le gagnant. Ouais. Donc, si on veut pouvoir avoir cette heure de scène, il est bien évident qu'il faut savoir l'occuper, la scène. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment insister là-dessus aux auditions. Parce que une heure de scène, ben voilà, on ne peut pas rester figé. C'est impossible. Totalement. Et surtout aussi qu'il y a un petit peu de... des choses un peu différentes. Une heure, il faut pouvoir faire des choses un peu différentes pendant... Ouais, et puis il faut une interaction avec le public, faut l'emmener dans son univers. Donc une heure de scène au Barry White. Oui, tout à fait. Et il y a également, si je ne m'abuse... Un enregistrement, six titres. Voilà, six titres sur CD, qui n'est pas rien. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes aujourd'hui qui aimeraient déjà se produire et puis avoir une petite galette. Une belle opportunité, oui. Ah ouais, totalement. Eh bien, on va se faire une coupure musicale et on continuera à en parler, bien évidemment. Sherlock, puisque ensuite, on va retrouver le rétro-ciné 80. Tu vas découvrir une chose, Isabelle, tu n'en reviendras pas. Tu vas découvrir le rétro-ciné, non pas 80, mais 2015. Oui, effectivement. Que Sherlock va t'expliquer avec ses mots, avec sa verve. Ah, oui, ma verve. Hein, avec sa belle verve. Ouais, parce que, avec ça, j'arrive moins à parler. Non, là, on va écouter. Alors, on parlait de voix, justement, pour le Barry White. Là, on va écouter des chanteurs à voix avec les Pogo. Ah oui, alors on rappelle évidemment, alors je suis obligé de le dire, c'est que Pascal Péris sera à Waterloo, justement, le fondateur des Powo, d'ailleurs, le leader des Powo qui sera sur Waterloo et qu'on aura aussi en interview. Oui. Voilà, donc voilà, j'ai tout. J'en sais dire. Mais j'ai plus la date, mais c'est bientôt. C'est début avril. Début avril. Et on reviendra. Alors, il y a Indala qui m'a dit qu'elle a adoré ce groupe. C'est les Boys to Men. Ah. Et c'est également des chanteurs à voix. Comme c'est quoi, ceux t'as qui des ont... artistes qui peuvent ne pas avoir de goût. Non, non, mais c'est très très bien. C'est du plus R&B. Là, ils sont plus dans le R&B. Ils étaient plus dans la soul. Là, c'est un titre qui est plus R&B. We are, we are, we are, we are, we are, we are, we are, we are. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Annonce du blanc les femmes, thème de prédilection. Je suis là pour vous mettre dans le bain, vous faire chanter sous la douche. Pour que le tout soit parfait, on rajoute une couche de sensualité, vitalité pour le développement. Quatre voix masculines expriment leurs sentiments. Boys to Men et Driver, nom de la collaboration. Quittez pas, on se voit à la fin, je reviens faire la conclusion. First time I saw her, thought that I would lose my mind. Had to have her, I had to have her in my life. Yeah, I ever had before. She gives to me. me open all the time. Love so good I'm never leaving. Can't be wrong because it feels so right. Que dans la seconde qui suit tu trouveras un faux mari. Et moi pas de femme, je serai seul à Paris. Faut pas que tu t'en ailles, je t'en prie femelle. J'suis mal, t'es ma force, une partie de ma cervelle. Sans toi bébé, j'suis comme un Walkman sans pile. Plus de chérie, plus de face, il reste que le côté pile. Je t'aime, t'as une fille, ça je l'ai rarement dit. Mais aujourd'hui plus que jamais c'est ton amour que je m'en dis. D'abord tu n'as aucune bonne raison de t'enfuir. Tu es la seule pour qui dépenser de l'argent me fait plaisir. Donc j't'en prie t'en vas pas, oui reste avec moi. Sinon tu feras des dégâts mes gars. Voilà pourquoi j'peux pas te laisser partir. Pour boys to men et driver, les chiens vont sourire. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM 107.9 FM. Oui, toujours sur l'antenne du 107.9 RLM. Dans l'émission 120 au compteur, c'était les Boys to Men avec Can't Let Her Go. Sur l'antenne. Ah ouais. Voilà, si, j'imite Arnaud Tirard, il le dit souvent le matin. C'est vrai ? Ouais, sur l'antenne du 107.9. Ou toi, t'as besoin d'un sur café. Sur la fréquence du 107.9. Toi, t'as besoin d'un ouais, café. Sur, la ouais. Sur l'antenne, ça fait haut. C'est ça. Donc, on rappelle que nous sommes avec Isabelle et Christophe, qui sont donc les boss du Barry White. Et puis également, il y a Greg qui s'occupe alors de toute la partie communication, hein, c'est ça, hein, parce que c'est un bel événement. Je vous rappelle que c'est un concours de chant. Un concours de chant, Canon. Voilà, un concours de chant. Voilà. Alors, il est important de répéter, on va demander à Isabelle de répéter effectivement les critères, qu'on confonde pas vraiment avec un karaoké. C'est vraiment du show, puisque vous allez vous produire après sur scène. Vous aurez la possibilité de vous produire une heure au Barry White. Donc, mais il n'y a pas que ça, c'est que derrière, je sais que toi, tu suis des artistes. Je fais de mon mieux pour essayer de les suivre. Voilà, et de les produire, et essayer de les produire on un peu partout. On essaie de les faire avancer, de leur donner des conseils aussi, mm-hmm. de toute manière, parce que c'est quand même un milieu très compliqué. Très, très compliqué, malheureusement. Et ouais. Et dans le jury, il y en a qui en parleront de toute manière, hein, pour leur expliquer un petit peu leur parcours, parce que c'est pas une partie de plaisir. Non, bien sûr, c'est un monde très, très difficile. C'est un monde très difficile. Là, ici, en audition, ils vont nous faire deux titres. En finale... 4 titres par cœur. 4 titres, waouh. 3 enchaînés et la dernière, ce sera l'apothéose. 3 enchaînés. 3 enchaînés. C'est fait exprès aussi en même temps, hein. C'est pour voir si l'artiste, parce qu'il y a bien une petite coupure, un film soit-elle, il y a quand même une petite coupure entre deux chansons, voir un petit peu si l'artiste va rester figé, va attendre que la musique du deuxième morceau arrive, ou est-ce qu'elle va être capable de jouer un petit peu avec son public. Ah bien. Donc c'est fait exprès aussi, hein, je veux dire, voilà. D'accord. Tout est bien réfléchi, tout est bien pensé, en tout cas pour voir un petit peu, parce qu'une heure sur la scène, ben, voilà, il y a des choses qui se passent. Et ceux qui veulent faire du Jive Bunny, c'est pas possible. Non. Pourquoi? Même si c'est 15 titres qui sont enchaînés dans la chanson, c'est pas possible. Ah oui, non, évidemment. Évidemment. Alors, Isabelle, ouais, c'est de quoi elle parle, hein, puisqu'elle a quand même fait Graines de Star. Ah, il faut rien me dire à moi. C'était dans les casseroles ou pas? La voix d'or. Ouais, avec. Comment s'appelle-t-il? Philippe Delporte. Ouais. Ah ouais. Oh, je suis quand même allée en finale. Ouais. Ah, avec quelle chanson alors? Oh là là. Quelle mémoire. Christophe, c'était quoi le titre? Partir. Partir. Ben finalement, t'es parti en finale. Donc, on rappelle que il y a aussi. Alors, si vous voulez plus d'informations, parce qu'un numéro de téléphone, c'est toujours un peu compliqué de retenir. Il y a une page Facebook, évidemment. Il y a une page Facebook, et là, on a créé une page concours de chant Barry White. Mm-hmm. Et on mettra tout l'avancée du concours jusqu'au mois d'avril dessus, de toute manière. Voilà, donc de toute façon, nous, on partage l'événement, bien évidemment, sur la page 120 au compteur. Oui. Sur chacun des animateurs, on partage l'événement donc du Barry White. Alors le Barry White, c'est pas juste qu'un concours. Vous avez dit, faudra qu'on en parle aussi après du Barry White. Bah voilà, le Barry White. Voilà, au Barry White, qu'est-ce que le Barry White? Alors c'est un établissement karaoké. Ouais. C'est karaoké donc le vendredi, le samedi et le dimanche à partir de 22h30. C'est un établissement où, au niveau du son, en tout cas pour le karaoké, on est très très bien placé. Ah oui. Et je pense oui. que ça, tu et peux je, le dire, Stéphane. Je confirme. Tu as. Tu as pu l'écouter? Ouais, si, moi je t'écoute. Hein. Non, tu fais le zouave là pour l'instant. Non, vraiment pas du tout. Mais non, mais en même temps, on a. Mode selfie. On a. Avec nous et qui est en train de faire un selfie. Qu'est-ce qui t'arrive, Kadon? C'est ton micro qui craque. Ah, en plus, ok. Il vient sourd. Bon, et eh ben, pour moi, Isabelle. Kadon! Pardon. Ah ça y est, Marine elle parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça te venait? Ouais, ça y est, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, je vous écoute. Ah d'accord, ah, bah, juste que ça. Elle était bon, voilà, ok, intervention. Eh bah écoute, tu sais ce qu'on va faire, Sherlock, on va se faire juste une petite coupure musicale. Ok. Et tu vas nous parler de ton film de 2015. Oui, ça marche, pas de problème. Et j'adore quand tu dis oui. Choisis de rester, me laisser ici. En douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire? Que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes. Tu me préfères à genoux parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, je change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire. 101.9 FM. RLM. Toujours dans 120 au compteur, et je vais vous parler donc... À l'antenne de... ouais, sur l'antenne, je monte assez haut pour qu'on m'entende bien. Je vais vous parler donc de la chronique Rétrociné. Ouais. Alors, je vais expliquer un petit peu le concept, hein. Comme toutes les semaines en fait, parce qu'il y a, toujours des nouveaux auditeurs qui tombent sur l'émission, on ne sait pas pourquoi. Ils tombent. Ouais, ils tombent par hasard. J'écoute, hein, parce que bon, s'ils tombent dessus... Non, mais ils peuvent tomber dessus, on ne sait jamais. Ouais, mais s'ils tombent dessus, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? C'est ça. Donc le Rétrociné, en fait, c'est un film que j'ai regardé cette semaine. Là, en l'occurrence, c'est un film de 2015 que je vais essayer de vous faire deviner. Je vais vous donner donc des petits indices, donc soit les acteurs, les réalisateurs, le nombre d'entrées ou des choses comme ça. Je vais vous donner des musiques qui font partie du film, des extraits de dialogue également. Il faut essayer de le deviner. Si vous avez trouvé, ne donnez pas tout de suite le titre du film, mais essayez de donner des petits indices à vos camarades autour de la table. Donc vos camarades, c'est ça qui fait rigoler. Ouais, bon. Camarades, ouais, alors, petits camarades. Est-ce qu'on peut mettre des 9 ou des 8? La blonde, oui. Ici. Alors, donc, le film est sorti exactement le 27 mai 2015. Un mercredi. Oui, c'est bien ça. C'est un film de Brad Peyton. Ah, celui-là. Ouais. Oh. Alors, la musique est de Andrew Lockington. Ah, ouais. Ça vous dit rien du tout? Absolument non. Pas. Le film a fait 1 091 676 entrées au box-office français. Ah, c'est celui-là. Bah déjà, ouais. Tu vois. C'est un film américain. Bien sûr. Bah oui, évidemment. Allez, je vous mets sur la piste, là, c'est un film américain. Ouais, c'est ça, c'est un film américain, effectivement. Alors, notamment avec Art Parkinson. Et celui qui tremble. Non, rien. Ah oui, rien à voir. Charles Aznavour a joué dans le film. Rien à voir, mais tu viens de donner un indice sans t'en rendre compte. Le jour où la terre tremble. Alors, il y a Kylie Minogue également qui joue dedans. Kylie Minogue. Ah ouais. Je l'ai. Colton Hines. Ioan Gruffudd. Ouais. Alors, est-ce que ça vous dit quelque mais chose? Si tu donnes le nom de Kylie Minogue, c'est parce que c'est pas un rôle principal. Non, c'est un second rôle. Ouais. D'accord. C'est donc, t'as un indice, Kadan. Tu la vois faire un rôle principal. Bah oui. Alors, vas-y, est-ce que tu peux donner un petit indice justement? Vas-y, un indice. Bah, non, pour aider ce que tu disais par rapport à la terre qui tremble, c'est un très bon indice. D'accord. La terre qui tremble. Ouais. Effectivement, ouais. Ah, c'est très bien. Ah ouais. C'est très bien, je vois que t'es parti tout de suite sur celui-là. Parce non, mais c'est elle a joué également dans un autre film, hein, Kylie Minogue. Il y a un costaud dedans. Oui, mais pas en 2015. Ça, oui, il y a un costaud, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il me ressemble, genre The Rock? Non. Bah, parce que lui, toi et lui, c'est plutôt l'opposé. Il rit là, je comprends pas. Il ressemble à quelque chose, il a l'air heureux, il se fait du fric. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec The Rock. Si, bien sûr. Si. Ah bah oui. Bah, si. Alors, je vais vous passer donc le thème du film, si ça peut vous mettre sur la voie. J'hésite entre deux. Alors ça met un peu de temps à partir. Hein. Oh, il y a une faille. Hein. Ouais, exact. On sent tout de suite que c'est assez, ouais, assez grave, hein, comme, ouais. Comme type de film. Ah, moi, je vais donner un indice, je peux? Vas-y. Bocelli. Bocelli. Bah, ouais. Bah, oui. Oui, ouais. Ouais, ouais, bah, oui. Effectivement. Absolument. Effectivement, on peut considérer ça comme un indice. c'est pas forcément le meilleur, mais on peut le considérer comme un indice. Isabelle, j'éclaire tes lanternes, là. Non. Alors, bon, je vais te passer peut-être un extrait de dialogue, ça va peut-être t'aider, écoute bien. Bon alors, vu qu'il n'y a pas de réseau du tout, il faut qu'on trouve un téléphone à cadran ou à touche. Comment tu sais tout ça? C'est mon père, il bosse au service de secours. J'envoie un. Super, je cherche une ligne fixe. J'ai trouvé. Blake? Papa? Je suis sortie, je vais bien. Elle va bien. Laisse-moi lui parler. Blake. Maman. Oh, Dieu soit loué, chérie. Daniel va bien. Il m'a laissé, maman. Il quoi? Il a dit à un agent de sécurité où j'étais et après, il est parti et... Ces deux garçons, deux frères que j'ai rencontrés, ils ont tout entendu, ils sont venus m'aider. Et là, je suis avec eux. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, il y a Greg derrière, ça lui parle. Ça te parle un peu? Ouais. Okay, il revient plus sur le nom. C'est même un jeu vidéo? Oui. Avec des voitures. Ouais, exact. Ouais, exact. Ah, oui. Il y a eu un jeu qui a repris ça. Ah, d'accord. Un Grand Theft Auto, un GTA. Un autre indice, je peux vous dire San Antonio. Ouais. Alors vous prenez Bocelli et San Antonio. Ouais. Et alors, je vais vous passer un autre extrait de dialogue, écoutez bien. En termes de sismologie, ce qui se passe est ce que nous appelons un essaim sismique. Pour le dire simplement, la plaque tectonique de la Californie a bougé. Oui, apparemment, le séisme qui a secoué Los Angeles a occasionné des dégâts importants jusqu'à San Francisco. C'est bien ça. Le séisme qu'ils ont senti est la conséquence d'un mouvement le long de la faille de Central Valley. L'extrémité de la faille n'a pas encore bougé. Mais surtout, il faut que les gens sachent que les secousses ne sont pas finies. Et je ne parle pas de répliques. San Francisco va être encore touché. Et cette fois, ça va être encore plus terrible. Nos modèles prévoient un séisme de magnitude 9,5, voire plus. Ce sera tellement puissant que ce qui est en train de se passer ici, en Californie, on va le ressentir jusqu'à la côte Est. Voilà. Alors, on va se retrouver tout de suite après la musique de fin du film, c'est Sia qui nous interprète California Dreamin'. Ouais, elle a dû en chier. C'était donc Sia avec California Dreaming, donc pour le générique de fin du film. Ouais, c'est sympa. Et le film qui est donc Ah bah alors, on va demander justement à Greg qui vient de nous rejoindre, Greg qui s'occupe de toute la communication justement du Barry White, et il va nous donner le titre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ou pas. Alors, Greg ? Aucune idée. Ah, Marine ? Oui. Bah alors le titre. Andreas. Yes, voilà. Exact. San Andreas, donc avec respect. Dwayne Johnson, donc The Rock, effectivement, oui. Le catcheur très connu qui a été reconnu au cinéma pour Le Roi Scorpion à la base. Ah oui. Dans le catch, merci bien. Bah, j'ai découvert le catch il y a une semaine, je trouve ça horrible. D'accord. Mais vraiment, je trouve ça horrible. Marine se réveille. Mais j'ai découvert le catch il y a une semaine. C'est un sport spectacle, c'est pour c'est ça. Horrible. Par contre, je suis d'accord avec Harry, quand tu vois The Rock de profil, on dirait Harry de face. C'est ça. Tu peux te tutoyer ? Ouais, tu peux me tutoyer. Ouais, je t'emmerde. Alors, donc, je vais vous donner quelques petites anecdotes sur le film. Le film, pour un budget de 110 millions de dollars, a rapporté quand même presque 474 millions dans le monde. Ah ouais. Mais c'était un film catastrophe qui était plutôt sympa. Hein. Oui, il est, ouais. Il est enfin, assez réussi. Bien fait, quoi. Alors, il faut savoir que les films sur les tremblements de terre, parce que là, c'est le cas du film, c'est un tremblement de terre, c'est la faille de San Andreas, en fait, qui se met à bouger, et de cette là ça crée des tremblements de terre donc tout le long de la côte ouest des États-Unis. Et c'est pas un thème récurrent en fait dans les films catastrophes. La plupart du temps c'est les cyclones, c'est des tempêtes, enfin les plein de choses. Ouais, les martiens, là, ouais, c'est ça. Il y a le film 2012 qui avait repris la faille qui... un peu. Alors, et par contre 2012 avait un budget de 220 millions pour le film. Donc là, ils ont fait un film catastrophe avec deux fois moins. Première grosse production donc au cinéma pour Art Parkinson. Donc tu disais justement que ça tremblait. Ah, bah oui, voilà. Oui. Donc que les fans de la série Game of Thrones connaissaient déjà. En effet, il incarne Rickon Stark, le plus jeune des frères depuis 2011. Le nain ? Non, pas le nain. Non, c'est l'un des frères Stark, donc un des demi-frères de Jon Snow. Non, pas du tout. Non. Non, ça c'est Tony Stark. Ça c'est le frère de la sœur. C'est ça, ouais. Okay. Ça c'est Tony Stark. Alors, Iron Man. Malgré donc le fait qu'Alexandra Daddario, donc qui joue le rôle de la fille qui est Blake dans le film, joue la fille de Dwayne Johnson dans le film, seulement 13 ans séparent les deux acteurs. Donc en gros, ça peut avec pas vraiment... Avec Dwayne Johnson Je sais pas, mais il a 13 ans de plus que Alexandra Daddario, en tout cas. Ah bah ouais, merci. Bah, ouais, pour le coup, je suis bluffé, parce que bah, la gamine, elle a 22-23, ou alors elle a une trentaine d'années, elle en paraît 22. Hein. Ouais, je sais pas, ouais, elle paraît plus jeune. Ouais, j'allais dire, il y a 45 balais, 45 46 ans, donc, ouais, donc elle aurait eu 33. Elle a 33, ouais. Enfin non, c'était en 2015. Plus ouais, elle a quand même 33 maintenant, quoi. Oui, j'arrête. Alors donc, pour créer les musique du film, le compositeur donc Andrew Lockington s'est procuré des enregistrements sonores de la faille de San Andreas en mouvement auprès de scientifiques. Il a ensuite transposé ces informations en notes de musique. Cette dernière, comme les effets sonores du séisme qui sont entendus dans le film, s'inspire donc des vrais sons de la faille de San Andreas. Sympa, donc dans la musique qu'on entend, que je vous ai fait écouter tout à l'heure, le thème du film, en gros il y a des sons de la faille de San Andreas dedans. Waouh, c'est bien. Donc premier gros rôle également pour Colton Hines, que l'on connaissait pour ses rôles dans la série Teen Wolf et Arrow, dans laquelle il interprète le rôle de Arsenal. Comment tu dis ? Son Colton nom ? Hines. Joe. Non, Colton Hines Joe, mais non. On l'a perdu. Oh là là. Jacob O'Connor, donc un garçon du Michigan, âgé de 10 ans, a sauvé son frère cadet Dylan de la noyade en utilisant une technique qu'il avait apprise en regardant Ray, donc The Rock, sauver Blake, donc sa fille dans le film. Dwayne Johnson a qualifié donc O'Connor de héros. Et enfin, donc, le film a été tourné pour une partie en Californie et l'autre partie en Australie dans les studios de Village Roadshow. Petit clin d'œil à cette union australo-américaine, c'est Sia, donc artiste australienne, qui interprète le générique de fin California Dreaming, chanté à l'origine par The Mamas and the Papas. Ouais. Voilà. Et une belle version. Oui, ouais, très, très belle reprise, sympa, je trouve. Alors, du coup, Greg, tu te rappelles du film ? Ou pas ? Alors, je peux faire un appel à un ami. Je vous rappelle qu'il s'occupe de la communication. Mais il est peut-être pas forcément très cinéphile. Hein, il est peut-être pas forcément très cinéphile. Alors, je t'explique, quand lui fait la com, lui bosse quoi. Pour expliquer le pitch très rapidement, donc lorsque la très célèbre faille de San Andreas finit par s'ouvrir et par provoquer un séisme de magnitude 9,6 en Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir de sauver leur fille unique. Alors qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord de l'État, pensant que le pire est bientôt derrière eux, ils ne tardent pas à comprendre que la réalité est bien plus effroyable encore. Parce que ça va vraiment être, il va y avoir même. Alors, il y a des trucs qui sont un petit peu tirés par les cheveux, c'est-à-dire qu'on voit un tsunami. Tu parles de la relation. Non, mais on voit un tsunami. Alors, le problème, c'est qu'un tsunami ne peut venir que de la mer s'il y a un tremblement sous la mer. Or, là, ça vient de la faille de San Andreas, donc sur la Terre, et ça ne peut pas donc créer un tsunami. Voilà, c'est des petits trucs en fait qu'ils ont rajouté. Un tsunami peut créer une vague, tout ça qui crée un tsunami. Oui, enfin bon, alors ta gueule. Bon, ok. C'est ce soirée. Non, mais tout à fait, il y a plein de gens qui sont morts dans des tsunamis. Tu es en train de dire que non, je suis pas d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de laisser la parole à Greg, qui s'occupe donc de la communication donc du Barry White, je vous rappelle à Barry, on va faire une petite coupure musicale. Oui. Et on va demander à Greg justement de faire la roulette song, choisir un titre, et puis il va nous le chantonner. Allez. Allez, c'est parti. On y va. Je fais tourner la roulette, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, Yael Naïm avec New Soul. Ah, bah vas-y. Oh, cool. Yael Naïm qu'on avait vu dans les 10 commandements. Oui, c'est vrai. J'adore Yael Naïm. Pas sa voix, hein, mais. Celui qui chante mon frère. Non, non, c'est une femme, si, hein, Yael Naïm. Ah, je confonds avec. Mais si, mais quand vous allez entendre le titre, évidemment, ça a été. Je crois même que ça en avait. Je pense qu'elle jouait le rôle de Hochebet. Il y a eu une pub d'ailleurs. Oui, ouais, bien sûr, il y a une pub qui reprend. Qui reprend cette chanson. Et vous allez reconnaître tout de suite. Et c'est elle qui chantait merveilleusement bien Libre dans les 10 commandements. Ah, oui. D'accord. I'm a new soul. I came to this strange world. Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. ta main dans mes cheveux. Parle-moi dans un murmure. Je veux fondre dans tes yeux comme les ombres sur le mur. Je ne sais si c'est bien ou mal. Yesterday's dead is gone, and tomorrow overside. It's a sail to be alone. Help me make it through the night. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. Toujours dans l'émission 120 en compteur, et c'était donc Richard Alexandre avec le titre Help Me Through the Night. Help Me Make It Through the Night, pardon. Et bah, il va nous le dire nous-mêmes puisqu'il est avec nous, Richard Alexandre. Hey, salut les auditeurs, comment ça va? Très bien. Champagne. Allez, champagne, on y va. Ah bah, ce titre-là, justement, alors Richard, on l'a reçu plusieurs fois dans les studios. Ce titre-là, c'est alors c'est une compo, c'est une reprise, c'est quoi exactement? Parce que voilà. Non, c'est une reprise de Angel Baroum Perdin qui a été repris en français par Monsieur Mike Allison. Ouais. Mais après, derrière, là, les arrangements. Voilà, c'est un arrangeur. Ouais. Je me doute. Original. Hein. Mais c'est une version qu'on n'a pas l'habitude de, non, d'entendre. Et donc, c'est à la base d'une chanson triste, j'ai mis un petit peu de soleil. Donc il y a un peu version raga. Ah ben c'est ça. Ouais. Et moi j'aime bien. J'aime bien. C'est bien, un peu c'est côté cool. Alpha Blondie. Mais tu sais laquelle je préfère moi, forcément. La reprise de Tom Jones. La reprise de Tom Jones. Non mais c'est si, bah il l'a chanté, s'il te plaît. Oui. Oui. Oui. It's not a new jewel to be loved by anyone. Non, tu l'as fait celle-là ou pas? Oui, non, mais c'est pas celle-là. Non, non, non, non. C'est le slow. J'adore ce slow. Vas-y, Richard, s'il te plaît. Attends, je filme. Je sais pas. Moi, je peux pas te dire. Je sais pas. Can't fall in love with you. I'll never fall in love again. Et c'est de qui ça? I never fall in love again. C'est de qui? C'est de Tom Jones. Donc c'est bien ça. J'adore. Les Tom Jones. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont repris cette chanson. Ah d'accord. Oui, voilà. C'est vrai. Je me suis fait approprier avec un nouvel arrangement aussi. Et c'est pas mal. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Et bien tiens, on a donc toujours Isabelle avec nous. De quoi? I'll never fall in love again. Bah, je ne tomberai jamais plus amoureux. Bah, bien sûr. Moi, tu connais l'anglais, t'as bah, bien sûr. Voilà. C'est comme I'll never fuck again. Alors, on est avec Isabelle, justement, du Barry White. Ah, je connaissais pas, ça me fait plaisir de la rencontrer. Je pense que si. Monsieur Richard. Enchanté, madame Isabelle. Alors, je pense que tu t'as fait madame un. Madame la baronne. T'as fait un Duchesse. Passage. Duchesse, pardon. T'as fait un passage par le Barry White, si je ne m'abuse. Oui, oui. Oui, ce week-end, je suis reparti. Non, menteur, je t'ai vu. Il y a une vidéo qui tourne sur le à tout ceci. Hein, donc, c'est une deuxième maison. C'est vrai. C'est là où tu vas entendre du bon son, tu peux aller chanter. Ah bah il le confirme, ouais. Il le confirme. Alors toi, tu est-ce que t'es sorti de là ou pas? Et c'est là que t'as été découvert. Bah, quand j'y sors. Non mais bon. Hein, oui. On se met dans les grosses têtes. Alors question de Madame Père Deloche. Donc ce que je voulais dire. 2015 quoi? Ouais. 2015. Où tu t'es produit là-bas? Ouais. Où t'es sorti de là-bas? Je suis sorti de là-bas. Ouais. Et alors Isabelle, je sais que toi tu découvres différents talents. Il y en a un dont on connaît d'ailleurs et tu peux en parler. Il y a Mélanie. Mélanie Bofinto, oui tout à fait. Mélanie est sortie de chez nous. Et, on a mis un an pour l'avoir dans notre établissement. Ouais. Elle est caissière dans un supermarché. Bah maintenant c'est sûr, elle le sait maintenant. Non mais bon. Mon mari a mis. Christophe a mis un an pour la faire venir chez nous quand même, faut le savoir. Et quand elle est arrivée, Christophe me dit, tiens. Là enfin Mélanie qui arrive, ok. Donc je l'écoute et puis je vais la voir. Je l'écoute, Mélanie, t'as déjà fait un concours, t'as déjà fait quelque chose, t'as déjà chanté? Non, dans ma salle de bain. Donc, on organise un concours. Moi j'aurais bien aimé l'avoir chanté dans sa salle de bain. Alors on organise un concours. Eh bien tu vas le faire. Non, moi je suis pas de concours. Elle a fait un concours chez nous, son premier concours et elle l'a gagné. Elle a gagné haut la main. Elle nous a fait quelque chose de formidable en finale. Et sa dernière chanson de finale, c'était Adagio. Ah oui, ah, de Lara Fabian. De Lara Fabian, et ça a été l'apothéose. Voilà. Oui, alors qui tourne beaucoup. Alors Mélanie, qu'on avait eu le plaisir de recevoir oui. À l'antenne dans une vie antérieure. C'était avec l'ASBL, un rêve, une étoile et tout est possible. Oui, c'était ici. C'était ici. Absolument. Ouais. Et alors je ne sais plus si elle nous. Non, elle n'avait pas fait de direct parce qu'elle avait des problèmes de voix. Oui, c'est ça. Mais elle nous avait passé des titres vraiment sympas. Et Mélanie Bonfito, que vous pouvez entendre et vous pouvez voir, elle tourne un peu partout. Un peu comme Richard d'ailleurs, hein, il tourne un peu partout. On te retrouve où là bientôt? À Gorin. Gorin. Dimanche. Ah, bien. Gorin, c'est quoi? Gorin, c'est une animation, en fait c'est dans un établissement où, où je fais l'animation, où il y a un repas. Bien, voilà. D'accord. La boule d'or, je pense. C'est la boule d'or. La boule d'or. La boule d'or. C'est le matin ou le soir? Le matin peut-être. À Gorin matin, l'après-midi, non hein. En Gorin matin. Oh mon Dieu. Bravo. Alors avant de faire une coupure musicale, je voudrais parce que c'est vrai que nous aussi on est là pour pardon la boule du centre. C'est la boule du centre. Il est mal foutu le mec. Hein. Ouais. avant qu'on fasse une coupure musicale, je vous rappelle qu'effectivement le 26 c'est samedi, il va y avoir donc une soirée oldies au Babylon Cabaret. Donc rue de Lille, hein, si je ne m'abuse, à Boucron. Hein? Grand rue. À la Grand Rue, donc au Babylon Cabaret, donc il va y avoir la soirée Oldies. N'oublions pas non plus le 2 février, il y a la soirée Agitée. Ah oui. En partenariat avec RLM, donc aux arcades à Tournai. C'est pas une soirée là. Voilà. Non, c'est pas une soirée secouée, c'est une soirée. Oui. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle raconte lui? Oui, c'est ça. Si, c'est pour l'anniversaire du DJ AJ. Ah, c'est l'anniversaire d'AJ, ouais. Ouais. Avec Arnaud Tirard au platine. Donc, ce sera le 2 février. Donc, aux arcades. Donc, en partenariat avec RLM. Ça va, Sherlock? Ça va, Canon? Ah, bah, toi, ça va pas, par contre. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous remettre un petit peu. C'est le cava, là. C'est alors, on se retrouve tout de suite après une petite coupure pub. Alors, avec deux titres. Bon, bah, ça va pas non plus. D'accord, ouais, bah, avec deux titres d'artistes belges, c'est Delta avec Je tire et Puggy avec When You Know. Cool. Je tire, ouais. Je tire sur tes mentoles. Des cigarettes, parfums rigolent. Je tire, je m'en balance. Je tirerai sur l'ambulance. Je tire sous la bouteille. Tous mes démons sont des merveilles. Je

Première sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Toujours dans l'émission, 120 au compteur sur RLM 107.9. Voilà, en compagnie de Marine que je viens de réveiller, ouais, qui vient de te démettre l'épaule. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, Marine, tu voulais peut-être nous parler d'une actualité qu'on t'a confiée récemment et qui est arrivée à tes oreilles. Oui, la soirée tremplin. La soirée tremplin, les talents font leur show, donc qui se passe le 24 février à la Grand Rue à Moucron. Donc vous me perturbez. Donc soirée tremplin. Non, alors on va la laisser. Ouais, c'est vrai. Tiens, on va la laisser. Allez. Elle préfère quand c'est Richard. Non, allez. Non, parce que c'est vrai. C'est un événement dont on est parrain. Parce que voilà, on est parrain. Vous le savez, hein. Pardon. Ouais, voilà. Oui, pardon. Voilà, donc c'est un bel événement aussi, et donc il faut en parler, donc du tremplin des talons. Oui, donc soirée tremplin des talons, donc tout talent confondu, que ce soit de la magie, du chant, de la danse, de la ventriloquie, de l'hypnose, il y a de tout. Voilà. Non, il n'y a pas de striptease. Non, dance. Non, non, il n'y a pas de striptease. Non. Non, je rigole. Et donc, voilà, ça va se passer le 24 février, donc à la Grand Rue à Moucron. Malheureusement, c'est complet, mais la semaine prochaine, il y a les organisateurs qui vont venir et qui vont offrir deux places pour les auditeurs. Eh bien, oui. Et oui, c'est une bonne nouvelle. C'est complet. Et donc, Daphné et Olivier donc vont venir nous présenter l'événement pour faire gagner aux auditeurs donc deux places qui ont été réservées pour la radio RLM. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ah bien, super. Nous sommes avec Greg. Donc, vous l'avez entendu un tout petit peu. Greg Hennebois. Bonsoir, Greg. Donc, qui s'occupe donc de la communication du Paris White qui se trouve à Paris donc pour cet événement. Alors, si justement tu devais faire un résumé de cet événement, si tu devais le vendre, tu dirais quoi, Greg ? Énormément de choses. Malheureusement, je suis tenu par le temps. Mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer Isabelle il y a 2 ans maintenant. On devait déjà travailler ensemble, mais malheureusement, suite à un souci de santé, ça ne s'est pas fait. Ici, ça fait 2 mois qu'on a repris contact, pardon, et on s'est mis d'accord sur certaines choses, dans le sens où je tiens vraiment à le signaler, c'est que c'est un établissement qui doit vraiment être connu à sa juste valeur, déjà de 1, de 2 au niveau qualité de son, comme Richard a pu vous le dire précédemment, c'est un établissement où le son est simplement magique. Ah, je remercie aussi Christophe qui est toujours au platine tous les week-ends, mais aussi la qualité du service, la clientèle. J'ai jamais vu un établissement d'une valeur exceptionnelle, mais qui n'est pas connu à sa juste valeur, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors, je tiens aussi à remercier énormément, c'est Isabelle, parce que même si c'est la patronne, elle fait son boulot vraiment à 100%. Et question accueil, moi, je tire vraiment mon respect. Bravo, Isabelle. Ouais. Et je confirme, parce que, alors, sachez... Isabelle. Alors je confirme parce que il faut savoir une chose, c'est que le Barry White est un endroit select. Quand je dis ça, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un contrôle à l'entrée. Alors n'importe qui n'y rentre pas, parce que pour le bien de la soirée justement. Donc il y a vraiment une sélection. Alors je vous fais pas peur, hein, tout le monde peut y aller, sauf Canon peut-être, mais tout le monde peut y aller. Mais vous êtes reçu, vous êtes placé. Enfin vraiment un truc qui n'existe plus aujourd'hui, où vous êtes placé. La patronne elle-même va venir vous voir régulièrement, discuter avec vous et puis apprendre à vous connaître, parce que sa clientèle en fait c'est une clientèle qui existe depuis 5 ans. Exactement. Voilà, ça fait partie de la famille du Barry White et il faut venir découvrir ça. Et on voit plus ça maintenant. Exactement. Donc déjà vous pouvez le découvrir dimanche à partir donc de 16h. À partir de 16h pour la première audition. Ensuite il y a une deuxième audition. Le 10 mars pour la finale qui aura lieu le 20 avril. Le 20 avril, donc concours de chant. Alors continuez à vous inscrire, bien évidemment. Il reste encore quelques places. Je sais que c'est blindé, en tout cas quasi blindé pour la première audition. La deuxième, il reste encore quelques places. Comment fait-on si on veut encore s'inscrire aujourd'hui? Donc le numéro de téléphone, bien sûr. Il suffit simplement de contacter Isabelle au numéro de téléphone 0479 776 424. Voilà, alors sinon il y a la page Facebook aussi également. Exactement, la page Facebook. Et on me souffle aussi à l'oreille que vous pouvez aussi vous présenter le jour même. Si tout d'un coup, bah tiens, il y a une lueur d'esprit, vous dites, bah tiens, vous pouvez venir directement dimanche. Hein. Voilà. Ils viennent avec une clé, ouais, genre, j'allais dire, oui, avec une clé USB. Je oui, avec la musique, CD, évidemment. CD, la musique. Voilà. On fera absolument un plaisir de vous accueillir les bras ouverts et comme ça, bah, vous pouvez, découvrir l'établissement et surtout toute l'énergie qu'on a pu mettre pour que. Le concours réussit tout simplement. Eh ben, c'est noté. On va se faire une coupure musicale et on se retrouve juste après parce qu'il y a les sorties cinoches de notre ami Sherlock et il y a John là qui nous emmerde. Allez, c'est parti. Et plus j'y pense, plus je plane, ne suis plus moi. Viens me chercher, je suis pas normal. Quand ton âme ne compte pas les heures d'escale. Pas de panique si ça décolle. C'est un classique, n'attendons pas l'automne. Toi tu hésites, je me passionne. Ça fout comme les arts, ça fait la première. Je me refuse à regagner la terre. Split the ocean, grab my hand. I want Maryland. Back into your arms. A yellow place. Split the ocean, grab my hand. I want Maryland. Oh, you reached the distance. Vol mais d'une heure fatale. Contrôle tout vent, je te kidnappe en rafale. Si t'es ok, je suis raisonnable. Profite des derniers instants sur le sable. Ça fout comme les heures, ça fait la première. Je m'en refuse à regagner la mer. C'était Elephants avec Maryland. C'est bien ça, ouais. Et tout de suite, c'est la sortie ciné. Oui, les sorties ciné, donc en Belgique et en France. Je vais commencer avec les sorties en Belgique, avec le film Les Petits Flocons. C'est sorti également en France hier. Donc c'est avec Joséphine Demeaux. C'est un film de et avec Joséphine Demeaux, Grégoire Ludig et Gustave Kervern. Donc des sommets enneigés, le ciel bleu, en vacances à la montagne, Vanda ne peut pas skier. Sa jambe a triplé de volume à cause d'une phlébite. Pas de veine pour un mannequin jambe. Pendant que son mari Thomas et leurs deux enfants s'éclatent sur les pistes, Vanda se console en s'occupant de son invité Samy, un ex-tolar fraîchement sorti de prison. Mais les moniteurs de ski et l'air de la montagne ont tôt fait de le monter à la tête de tout ce petit monde. C'est ouais, une comédie française. Une comédie voilà, française. Voilà. Sans grande prétention. On ne fera pas 1 600 000 entrées. Non, c'est sûr. Ensuite, Ben is Back. C'est sorti déjà depuis le 16 janvier en France. Là, ça sort donc en Belgique. C'est avec Julia Roberts, Lucas Hedges et Courtney B. Vance. C'est un film de Peter Hedges. C'est la veille de Noël. Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois d'absence. Sa mère, Holly, donc, qui est jouée par Julia Roberts, l'accueille à bras ouverts tout en redoutant qu'il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors une nuit qui va mettre à rude épreuve l'amour inconditionnel de cette mère, prête à tout pour protéger son fils. La mère étant Roberts. Oui, c'est ça. D'accord. Oh, c'est bien de la revoir. Ah, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien de la revoir. Ouais. C'est dommage qu'elle ait des touffes sous les bras, mais sinon. Si, elle se rase pas sous les bras, Julia Roberts. Ouais, bah après, voilà, c'est une mode qui est. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Non, enfin, je suis du bah, genre, je crois, quoi. En général, quand ils ont des poils sous les bras, on leur demande pas de mouvement. Hein. Alors, je vais continuer donc avec le film The Hate You Give. Oui. Donc, c'est un acronyme, donc T-H-U-G qui veut dire thug. Thug qui veut dire mauvais, enfin, c'est mauvais garçon, tu vois. Ah, thug! Yeah, thug. C'est donc avec Amanda Stenberg, Regina Hall et Russell Hansby. C'est un film de George Tillman. C'est sorti également en Belgique hier. Donc c'est Star qui est témoin de la mort de son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par balle par un officier de police. Confronté à de nombreuses pressions de sa communauté, Star doit trouver sa voie et se battre pour ce qui est juste. Donc Ouais. C'est quoi comme genre un thriller. D'accord. Un quoi? Un thug thriller. Alors, et je vais finir donc avec on va dire la grosse sortie de la semaine, c'est La Mule avec deux et avec Clint Eastwood. C'est sorti également en Belgique hier, avec également Bradley Cooper et Lawrence Fishburne. Oui. Donc c'est à plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes, ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un supérieur chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui. L'agent de la DEA, Colin Bates, est plus qu'intrigué par cette nouvelle mule. Donc voilà, c'est le dernier film de Clint Eastwood. Le film qu'il avait fait avant, c'était Sniper. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Ouais. Il prend souvent des histoires vraies. Hein, dans j'irai voir celui-là, moi. Ouais, ouais, il m'a l'air très, très bien. Parce que c'est un peu les dernières années, on risque de le voir. Ouais, c'est vrai que là, ça, depuis Grand Torino, en fait, on l'avait et pas. Et d'ailleurs, on salue Renaud au passage. Ouais, exact. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Mais moi, Clint Eastwood, c'est soit j'adore, soit je suis déçu. Enfin, il y a des films où c'est un peu mou. Hein. Ouais, il y a certains films qu'il a fait. Oui, quand même. Hein. Bah, les derniers, je veux dire. Mystic River, c'était lui. Hein. Mystic River. Non, bah, c'était nul. Ouais, c'est pour ça, c'était pas c'est nul. En Grand Torino. Ouais, ah oui, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ouais, Million Dollar Baby, les Rôles de Madison. Ouais. Avec ses voisins. Et toujours des belles voitures. Ouais, il y a toujours de belles voitures. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est plutôt Torino. Alors, vous iriez voir quoi, Greg? Tu irais voir quoi? Toi. Bah ouais, c'est pour faire mon film, il est vite fait. Hein. C'est un film de deux minutes. Sandra. Bon, canon, on sait, on a compris. Eastwood, ouais. Clint Eastwood. C'est quoi le dire la mule. La mule. Ouais, la mule. Eastwood, la mule. Ouais. Toi aussi, tu irais voir la mule. Ouais, la mule aussi. Ouais, ça t'irait bien. Merci. La mule également. Ouais. Voilà. Ah, okay. On va tous à la mule, et toi? Bah, t'es sérieux, bah oui, moi aussi, la mule. Toi aussi la mule? Oui, oui. On le mettra dans la mule. Parce que c'est Clint Eastwood. Parce qu'il joue dedans aussi. C'est pas parce qu'il a réalisé, c'est parce qu'il joue dedans. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu quand même, Clint Eastwood. Bah depuis Grand Torino en fait. Ouais, bah on l'avait pas vu depuis. Oh, je sais pas. C'est balai, il avance quand même. Ouais, Sean Connery, ils vont tous partir aussi. Ça veut rien dire. Regarde, Enrico Macias, il sort un album. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est le seul dans lequel il chante pas. Ou alors on aura peut-être un dernier Rookie. Ah, mais il y en a un. Il est sorti la semaine dernière. Creed 2, là, il est sorti. Bon, ben on va se faire une toute petite coupure musicale avant de se dire au revoir. Ou on se dit au revoir tout de suite, Sherlock? Ouais, bah je pense, parce qu'on n'aura pas le temps de mettre un autre titre, on va en fait. On va rappeler qu'effectivement, il y a le Barry White concours de chant avec à la clé, donc à gagner donc un CD, 6 titres, c'est pas rien. Plus la possibilité de se produire pendant une heure, donc au Barry White, super endroit, super écrin. Il y a d'autres lots aussi également, mais ça vous le verrez. Vous pouvez donc vous inscrire directement sur la page Facebook du Barry White. Vous aurez toutes les informations concernant donc les différentes auditions. Il y en a deux. Il y en a une première qui commence dimanche, il y en a une autre le 10 mars. Et la finale, ce sera Greg ? Le 20 avril. Voilà, le 20 avril. Donc franchement, faut pas le louper le rendez-vous. Si vous avez l'âme artistique et vous savez chanter surtout, ben, n'hésitez pas à vous renseigner sur le Barry White. Voilà. Ouais, il faut savoir chanter. Il voilà, n'y aura pas de parole, ça sera pas un karaoké. Exactement. Parce que tu fais bien le Barry White, c'est un karaoké. Là, ce jour-là, il faut connaître karaoké, chanter, chanter une différence. Voilà. Absolument. Donc nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On se retrouve. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais simplement vous remercier pour l'accueil. Et bien de rien. Rien, j'ai plaisir. Pu rencontrer des gens exceptionnels et je vous dis très vite tout simplement et un grand merci, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Merci à toi et puis un bon concours. Bon concours. Tout fait pour, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas réussir. Il y en a d'autres qui réussissent et pourquoi pas nous, tout simplement. Merci à vous. Alors moi je rappelle aussi également que la semaine prochaine on va recevoir donc Marjorie donc de Mullier qui va faire donc le rallye des gazelles entre autres, mais elle va aussi faire quelque chose d'exceptionnel j'ai oublié le nom, et Marjorie tu m'en excuseras mais tu nous en parleras la semaine prochaine. Et on se recevra aussi donc Daphné qui est responsable justement donc du tremplin pour les artistes font leur show, voilà, et qui aura lieu donc au Babylon Cabaret, et ce sera la semaine prochaine. Donc d'ici là, canon bisous. Ouais, bisous. Oui. Marlene, bisous. Marlene. Je vais juste faire un coucou à Roland parce que je l'ai pas encore fait. Ah bah coucou qui Roland. Qui écoute 120 au compteur, donc coucou Roland. Et bah voilà. Voilà. Et bah coucou Roland. Et, voilà. Coucou, et enfin. Et attention, ça glisse dehors. Voilà. Bah justement. Merci à toi Sherlock. Merci à Greg, à Séverine et puis Christophe bon, du Barry White. C'est pas Séverine. Et puis à Richard aussi, Richard Alexandre qui est venu nous faire un petit coucou. Voilà. Ça nous fait toujours plaisir. Et qui nous rappelle que si vous venez dimanche, il faut une clé USB avec deux titres. Ouais. Merci Richard. Ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement. Et si vous êtes blonde à forte poitrine, ça l'intéresse aussi. J'aime ton numéro, donc c'est le 0490. Et le mec, il vient d'envoyer à tous ses amis, écoutez-moi en direct. Il est content, il n'y aura plus. Bon, bah écoutez, à la semaine prochaine. Restez bien sûr à l'écoute de RLM, puisqu'on émet 24h sur 24 sur le 107.9. Portez-vous bien, ciao, bye. Allez, ciao, ciao. Salut.